avec les Juifs pour aller, pas avec les non-Juifs, non, avec les Juifs pour aller vers les non-Juifs. Donc, Luc renverse les choses de Matthieu. Mais je pense que la plus grande contraste dans le texte, c'est le contraste du pouvoir. Les puissants et les non-puissants. Le puissant, le pouvoir, se situe à Jérusalem et avec Hérode, avec ses collaborateurs, les chefs des prêtres et les interprètes de la loi. Et qui va renverser tout cela? Jésus, Marie, Joseph, et finalement, Égypte. Donc, les contrastes dans le texte selon Matthieu sont frappants. Et il est pour cette raison qu'il faut tout de suite nous rappeler de ce que nous avons chanté ce matin. Parce que voici la clé du texte, à mon avis. Ils sont venus pour rendre hommage à Jésus. Imaginez, tous ces contrastes avaient pour but de nous rappeler que ces gens venant de l'Orient sont venus pour adorer. Et quand nous avons chanté ce matin, prosternez-vous. Ça, c'est l'invitation de faire exactement ce que les rois mages ont fait. La quatrième chose en préambule ici, en réflexion préliminaire, c'est qui est Hérode? Et il faut en parler juste brièvement. La raison pour laquelle c'est difficile de comprendre les Hérodes dans les évangiles, c'est parce qu'il y en a sept. Donc, si vous êtes mélangé, moi avec. Donc, finalement, à un moment donné, j'ai pris tous les sept que j'ai trouvés dans les évangiles et j'ai commencé de rechercher. Celui-ci, il s'appelle Hérode le Grand. Et il était de loin. Mais il y a une autre qui a guillotiné Jean le Baptiste. Là, c'était Hérode le Tétrarque. OK, pas la même personne. Ce bonhomme, non, sept ans, il n'était pas bon. Il est né six ou sept siècles avant Jésus-Christ, donc avant l'ère commune. Et il est mort probablement en quatre de notre époque. Il était reconnu comme intelligent, charmant, ambitieux, rusé. Et il a survécu les défis à son leadership. Et nous voyons dans le texte, il est vraiment débalancé par ces nouvelles que le roi des Juifs est né. Mais lui, parce qu'il était rusé, il a toujours exterminé ses ennemis. Et nous avons dans le récit historique les histoires où il a exterminé une de ses 10 femmes et 3 de ses 15 enfants. Donc, il était rusé. Ce qui complique les choses avec Hérode, avec cet Hérode, c'est que selon l'histoire, il s'est converti au judaïsme. Et c'est lui qui a terminé la construction de ce qu'on appelle le deuxième temple. Vous vous souvenez de l'histoire? Lorsque les Babyloniens ont pris Jérusalem en 589, ils ont rasé le temple. Zorobabel, à l'époque de Malachie, de Sophanie, a commencé de reconstruire le temple, mais ce n'était jamais terminé. Et c'était Hérode qui l'a terminé. Pour plaire aux Juifs, il s'est converti au judaïsme. Mais beaucoup de Juifs à l'époque n'ont pas, comment dire mon Québécois, n'ont pas pris du cash, sa conversion. Ils voyaient une autre complot. Donc, il y avait des Juifs à l'époque qui ne sont jamais entrés dans le nouveau temple, le deuxième temple, parce que c'était bâti par un non-juif, malgré un prosélyte. Donc vous voyez, c'était une âme rusée. Ça, c'est le contexte dans lequel Jésus est né. Ceci étant dit, maintenant, les quatre personnes que nous voyons dans le texte. Alors, commençons en chapitre 1er brièvement avec Joseph. Le texte en chapitre 1er, la façon que Matthieu l'a écrit est très fascinante. Ça commence avec le nom de Jésus. Ensuite, nous avons Joseph. En contradistinction, nous avons l'ange pour terminer avec le nom de Jésus. Mais Joseph, le texte dit, c'est un homme droit, un homme juste, qui ne voulait pas dire qu'il suivait les lois. Le sens ici, c'est voici un homme qui avait une plus grande perspective sur le fait qu'il est juif. Le fait qu'il faisait partie de la généalogie de David et que l'ange nous rappelle que Joseph était de la généalogie de David nous rappelle voici un homme qui attendait le retour du règne davidique. Voici un homme qui se rappelait de l'alliance que Dieu avait faite avec son peuple. Il était fidèle à l'alliance. Il est juste. Et le texte dit au verset 19, il ne voulait pas exposer Marie à la discrimination. Et ce mot « exposé » veut dire « bafoué ». C'est le même mot qui est utilisé par Paul en Colossiens 2,15. Et à la croix, Jésus a bafoué, exposé les principautés et les pouvoirs. Donc, lorsqu'on expose quelqu'un avec ce verbe ici, ça veut dire qu'on veut vraiment les écraser. Et Joseph avait toute la loi, toute la tradition, toute la communauté en arrière de lui pour bafouer Marie. Mais le texte dit que lui, en verset 20, il a réfléchi, il s'est résolu, il a considéré, il a pondéré. Pour ainsi dire, il ne s'est pas fâché, il n'était pas... Il n'a pas agi de façon instantanée, irréfléchie. Non, il mijotait. Comment allait-il agir sans écraser Marie pour le fait qu'elle était enceinte avant d'avoir consommé leur relation? Parce que le texte dit très clairement, et dans la tradition, ils étaient fiancés. Le texte dit qu'elle était son épouse. Lui, c'était son époux. Donc, historiquement, traditionnellement, c'était fait. C'est juste que leur relation n'était pas encore construite. Et Joseph, par ce qui est raconté, démontre qu'il était un homme juste. Pas un homme légal, mais un homme juste. Et l'ange arrive. Et encore, j'arrive chez mes parents pour dire, écoute, c'est l'ange qui me l'a dit. Pas trop catholique. Mais Matthieu utilise l'ange pour nous enterrer dans ce Jésus. Il fait partie de la généalogie de David. Et n'importe quel juif aurait dit, « Oh, hey, le règne davidique va se reprendre. » Et on lui donne un nom, Josué, qui nous rappelle de Josué dans l'Ancien Testament. Celui qui est notre libérateur, celui qui nous a regagné la Terre Sainte, celui qui a chassé nos ennemis. Il va nous sauver. Tout ceci vient de l'ange. Il va nous libérer, mais ensuite, Matthieu insère dans le texte une citation du psaume 130 et le verset 8. Et il va pouvoir pour le pardon de nos péchés. Et ça permet une révélation divine pour que Joseph et ensuite Marie puissent bien comprendre cette dimension transcendante, irréaliste, formidable, inimaginable. Et son nom, c'est Emmanuel. Oui, il est Josué, Dieu sauve. Oui, il est le Messie. Oui, il est le fils de David. Mais ensuite, de façon typiquement Matthieu, il insère un texte de l'Ancien Testament. Et maintenant, l'ange cite Ésaïe 7, 14. Mais Matthieu fait quelque chose de très fascinant. Dans le texte hébreu et le texte, la traduction grecque de l'Ancien Testament, c'est la Vierge qui donne le nom Emmanuel à son enfant. Mais en Matthieu, ce n'est pas Marie qui donne le nom, c'est « on » ou dans le texte original « il ». C'est la communauté maintenant qui voit qu'il est Dieu parmi nous. Et la première chose que nous apprenons ici, c'est que Joseph était obéissant. Joseph écoutait l'ange. Lorsqu'il mijotait comment agir dans sa justice, ça prenait une révélation divine pour souligner celui qui sera adoré est Dieu. Josué, fils de David, Messie, mais Dieu parmi nous. Et Joseph était obéissant. Qui nous amène au roi mage. Maintenant, qui sont-ils? Et vous pouvez imaginer, la littérature est longue sur ces hommes. Moi, j'ai toujours appris, je ne sais pas si vous avez appris la même chose, mais moi, j'ai toujours appris qu'il y avait trois rois mages qui sont venus. Mais le texte ne dit pas qu'il y en avait trois. Le texte dit qu'ils avaient trois cadeaux, trois dons. Donc, j'imagine qu'historiquement, on a dit, OK, il y avait un qui avait l'or, l'autre qui avait l'essence, le troisième avait la mire. Mais ce n'est pas ça que le texte dit. Un mage, à l'époque, était un scientifique. Peut-être un astronome, mais probablement un scientifique. Nous savons que c'était des grands sages. Ah, ils avaient la capacité d'étudier les étoiles. Ils avaient la possibilité de voyager. Ils avaient accès au roi. Donc, pour cette raison, on les appelle les rois mages, parce qu'il y a probablement la royauté qui est inclue, ou peut-être des autres fonctionnaires. Mais ils faisaient partie de l'élite. Ils appellent ce bébé un roi. Donc, ils ont tout de suite compris quelque chose dans leurs études. Et après avoir interagi avec Hérode, ils arrivent auprès de Jésus. Et le texte est facile. Qui cloche pas. Je dois à l'église une cloche. Excuse-moi. Le texte. Merci, Martin. T'es fin. Okay. En tout cas, les choses qui arrivent. Mais à partir du verset 10 au chapitre 2, regardez la façon que Matthieu a écrit le texte pour souligner l'action de ces mages. Verset 10. Ayant vu l'étoile, ils se réjouissent. Donc, il y a un participe au passé, ayant vu, ils ont fait quelque chose, ils se réjouissent. Deuxièmement, étant allés dans la maison où se trouvait l'enfant, ils virent l'enfant. En tombant, ils se prosternèrent devant lui. En ouvrant leur trésor, ils apportèrent les dons. En étant avertis, verset 12, dans un songe, il partit. Pourrait-il dire, Matthieu a écrit le texte pour nous faire passer 1, 2, 3, 4, 5. Voici ce qu'ils ont fait. Pour nous souligner la façon systématique qu'ils sont arrivés à cette grande acte de se prosterner devant le bébé. Donc, n'oubliez pas, ces hommes n'étaient pas les deux piques. Mais ils étaient prêts de faire quelque chose qui était très important et Matthieu allait le reprendre. Parce que 13 fois dans son évangile, le monde adore, se prosterna devant Jésus. 13 fois, nous trouvons les gens qui ont adoré Jésus. Et 8 fois, ils arrivent avec les dons. Et voici la première fois. Et toute cette histoire des rois mages nous souligne que les puissants, les étrangers, sont les premiers d'adorer Jésus. Pas les Juifs, mais les tout-puissants. Maintenant, il y a une concurrence parce qu'il y a un autre tout-puissant et il ne va pas adorer Jésus malgré ses mots. Donc, c'est là où nous voyons les puissants non-puissants. Mais ici, et lorsque le texte dit qu'ils ont apporté l'or, l'encens et le myrrhe, c'était pour souligner que ce bébé méritait ce qui était le plus important, précieux de leur culture. Donc, Joseph, lui, il est obéissant. Les rois mages, ils adorent. Maintenant, Égypte. Joseph a reçu une autre songe. Voyez le rôle des songes et des anges dans le texte, parce que cette histoire est tellement importante qu'on ne peut pas simplement utiliser notre raisonnement pour le comprendre. Ça prend une révélation divine pour comprendre tous les enjeux. Donc, maintenant, nous arrivons pour la troisième histoire. Et Joseph reçoit une ange, et dans une songe, il faut maintenant quitter pour protéger le bébé. Il faut fuir. Et ils vont maintenant en Égypte. Pourquoi? Tout d'abord, pour protéger l'enfant. Mais maintenant, il y a une autre raison. Et encore, typiquement Matthieu, il pige dans l'Ancien Testament. Parce que, en Osée, nous apprenons que Dieu voulait appeler son fils. Et maintenant, vous êtes juif, vous lisez cette histoire. Qui d'autre est venu d'Égypte? Moïse. Et vous voyez ce qu'on appelle l'intertextualité. Ah! Et tout d'un coup, en lisant que Dieu va appeler son fils d'Égypte, un juif, en lisant ce texte, va dire, ce Jésus, Messie, fils de David, Emmanuel, Josué sauveur, il vient d'Égypte. L'exil est terminé. Nous allons commencer un nouvel exode. Ce Jésus va nous amener de notre oppression des Romains. Il va nous libérer de notre honte du péché. Ce Jésus qui est appelé d'Égypte, il va être notre libérateur. Il y a 18 mois, c'était au mois de juin 2009, non 2010, Sandy et moi étions en Égypte. Nous avons des amis, notre amie Romaise et sa femme Rebecca. des Québécois. Ramez est le directeur de la Société biblique d'Égypte. Et dans le siège social de la Société biblique à Caire, c'est ça que je voulais vous montrer ce matin, mais Sandy ne pouvait pas trouver la photo. Mais il y a une immense, et quand je dis immense, une immense muraille dans la Société biblique où vous avez Jésus avec Marie et Joseph à Caire et qui commence le retour en Palestine en citant le verset qu'on a lu ce matin. J'ai appelé mon fils d'Égypte. Les chrétiens égyptiens, on les appelle les Coptes, parce que Copte veut dire égyptien. Ils sont fiers de ce texte, parce que eux, ils savent que le libérateur, le Messie, le Sauveur, l'Emmanuel, a passé son enfance chez eux. Et le salut est venu d'Égypte. Mais qu'est-ce qui arrive aux chrétiens en Égypte aujourd'hui? Ils souffrent. Ils sont tués. Et ce texte nous rappelle que Jésus était lui aussi un réfugié. Il a dû fuir Hérode le Grand, se ruser. Et il a trouvé un abri en Égypte pour être capable de retourner et accomplir sa mission. Et aujourd'hui, dans le monde, il y a 30 millions de réfugiés. Soit des réfugiés politiques, soit des réfugiés économiques, soit des réfugiés religieux. Et Jésus, il peut s'identifier avec les trois. Mais surtout ce matin, avec nos sœurs et nos frères chrétiens en Égypte, parce que Jésus habitait parmi eux. Donc, Joseph, il a obéi. Les rois mages, ils ont adoré. En Égypte, Jésus était là pour identifier avec ceux et celles qui souffrent. Donc, comme j'ai dit, le texte a été écrit à eux, mais le texte a été aussi écrit pour nous. Et qu'est-ce que nous pouvons apprendre ce quatrième dimanche de l'Avent en relisant ce texte? Ce que j'ai écrit ici dans mes notes, ce texte est pour vous et moi. Jésus est l'Évangile. Il est la bonne nouvelle. Il a été révélé aux Juifs en premier temps, mais c'était pour les non-Juifs. Sa mère et son père ont reçu ce Jésus, mais aussi ses étrangers, ses érudites, ses scientifiques. Jésus était là pour les humbles et pour les ignorants, ainsi que pour les calés, pour les pauvres et pour les riches, pour les occidentaux, comme vous et moi, mais aussi pour les orientaux, comme les Égyptiens et ces rois mages venant de l'Orient. Ces rois mages, selon leurs habitudes et leur compréhension, ils ont étudié, ils sont venus, mais ils ne sont pas venus pour un avantage personnel. Ils sont venus pour adorer Jésus. Et ce texte nous rappelle que avant tout, à Noël, il y a la révélation divine de cet enfant, mais il y a aussi cet acte de l'adorer. Donc, ce matin, un de mes groupes jazz préférés, c'est les Blind Boys of Alabama. Ah oui, ah, Pierre est souriant, tu sais. Les Blind Boys étaient ici à Montréal. Ben, ils sont venus plusieurs fois pour le Festival international de jazz de Montréal. Mais ils sont venus il y a 5 ans au Metropolis. Et le concert a commencé à 8 heures et a terminé à minuit. Je pense qu'il y avait une entracte de 20 minutes. Ils ont chanté. Et il est évident que la vaste majorité des spectateurs n'ont rien compris. Pas simplement parce que c'était tout en anglais, avec leur accent du sud, mais aussi parce que quand les Blind Boys, quand ils interprètent un chant, c'est vraiment du gospel. Et notre société qui vit sa sécularité a tellement marginalisé les choses religieuses qu'on ne comprend pas. Moi, je me souviens, j'ai eu une discussion avec un type qui était à côté de moi. Il dit, qu'est-ce qu'il chante? J'ai pu annoncer les bonnes nouvelles à un concert de jazz. Mais moi, Michael va, il va jouer, mais il va jouer le disque. Mais voici mon chant préféré des Blind Boys. Joy to the World.